Je suis de Sri Nisargadatta Maharaj. Douce. Question. S'il vous plaît, dites-nous comment avez-vous réalisé. Maharaj. J'ai rencontré mon gourou quand j'avais 34 ans et j'ai réalisé à 37 ans. Question. Qu'est-il arrivé? Quel fut le changement? Maharaj. Le plaisir et la souffrance perdirent leur empire sur moi. J'étais libéré du désir et de la peur. Je me trouvais complet, je n'avais besoin de rien. Je vis que dans l'océan de la pure conscience, à la surface de la conscience universelle, les vagues sans nombre du monde phénoménal se lèvent et se creusent sans commencement ni fin. En tant que conscience, elles sont toutes moi. En tant qu'événement, elles sont toutes miennes. Il y a une puissance mystérieuse qui veille sur elles. Cette puissance, c'est la pure conscience, le soi, la vie, Dieu, quel que soit le nom que vous lui donniez. C'est le fondement, l'ultime support de tout ce qui est, comme l'or est le constituant fondamental des bijoux. Et elle est si intimement nôtre, faites abstraction du nom et de la forme du joyau, l'or devient évident. Libérez-vous de la forme et du nom, du désir et de la peur qu'il crée, que reste-t-il? Question. Le néant? Maharaj? Oui, le vide. Mais le vide est plein à ras-bord. C'est la potentialité éternelle, comme la conscience et l'éternel présent. Question. Par potentialité, voulez-vous dire le futur? Maharaj? Passé, présent, futur, ils sont tous là, et infiniment plus. Question. Mais puisque le vide est vide, il nous est de peu d'utilité. Maharaj, comment pouvez-vous parler ainsi? S'embrèche dans la continuité, comment pourrait-il y avoir renaissance? Peut-il y avoir renouveau sans mort? Même l'obscurité du sommeil est rafraîchissement et rajeunissement. Sans la mort, nous serions à jamais enlisés dans l'éternelle sénilité. Question. L'immortalité n'existerait pas en tant que telle? Maharaj, quand la vie et la mort sont perçues comme essentielles l'une à l'autre, comme les deux aspects d'un même être, c'est l'immortalité. Voir la fin dans le commencement et le commencement dans la fin, c'est signe d'éternité. L'immortalité n'est absolument pas la continuité. Seul le processus du changement est continu. Rien ne dure. Question. La pure conscience dure-t-elle? Maharaj. La pure conscience est étrangère au temps. Le temps n'existe que dans la conscience. Au-delà de la conscience, où sont le temps et l'espace? Question. Dans le champ de votre conscience, il y a aussi votre corps. Maharaj. Bien sûr, mais l'idée mon corps en tant que différent des autres corps en est absente. Pour moi, c'est un corps, pas mon corps. C'est un mental, pas mon mental. Le mental prend parfaitement soin du corps, je n'ai pas à intervenir. Ce qui doit être fait se fait, d'une manière normale et naturelle. Vous pouvez ne pas être tout à fait conscient de vos fonctions physiologiques, mais dès qu'il s'agit des pensées, des sentiments, des désirs et des peurs, vous devenez intensément conscient de vous-même. Chez moi, tout cela est largement inconscient. Il m'arrive de parler à des gens ou de faire quelque chose parfaitement normalement, sans en être très conscient. C'est comme si je menais ma vie physique, ma vie de veille automatiquement, réagissant avec spontanéité et précision. Question. Cette réponse spontanée est-elle un résultat de votre réalisation ou d'un entraînement? Maharaj. Des deux. La dévotion à votre but vous amène à vivre une vie propre et ordonnée, consacrée à la recherche de la vérité et à aider les autres. Et la réalisation rend facile et spontanée la noble vertu en effaçant pour de bon les obstacles que sont les désirs et les peurs et les idées fausses. Question. Vous n'avez donc plus ni désir ni peur? Maharaj. Ma destinée est d'être né comme un homme simple, quelqu'un du commun, un humble commerçant sans éducation conventionnelle. Ma vie fut très ordinaire, avec des craintes et des désirs communs. Quand grâce à ma foi en mon maître et à l'obéissance à ses instructions, j'ai réalisé mon être véritable, j'ai laissé derrière moi ma nature humaine prendre soin d'elle-même jusqu'à ce que sa destinée soit accomplie. Occasionnellement, une ancienne réaction émotionnelle ou mentale surgit dans mon esprit, mais elle est immédiatement remarquée et rejetée. Après tout, tant qu'on est encombré d'une personne, on est victime de ses idiosyncrasies et de ses habitudes. Question. N'avez-vous pas peur de la mort ? Maharaj. Je suis déjà mort. Question. Dans quel sens ? Maharaj. Je suis doublement mort. Je suis non seulement mort à mon corps, je suis également mort à mon esprit. Question. D'accord, mais vous ne paraissez pas mort du tout. Maharaj. C'est vous qui le dites. Vous semblez connaître mon état mieux que je ne le connais. Question. Je suis désolé, mais je ne comprends simplement pas. Vous dites être sans corps et sans esprit alors que je vous vois parfaitement vivant et cohérent. Maharaj. Êtes-vous conscient du travail terriblement complexe qui se fait dans votre cerveau et dans votre corps ? Pas du tout. Cependant, pour un observateur extérieur, tout paraît marcher intelligemment et à dessein. Pourquoi ne pas admettre que l'intégralité de la vie de la personne puisse plonger très au-dessous du seuil de la conscience et ne puisse pas, malgré ça, continuer raisonnablement et sans à-coups ? Question. Est-ce normal ? Maharaj. Qu'est-ce qui est normal ? Votre vie qu'obsèdent les désirs et les peurs ? Votre vie pleine de querelles et de luttes ? Votre vie qui n'a ni sens ni joie ? Est-elle normale ? D'être si vivement conscient de votre corps, est-ce normal ? D'être déchiré par les sentiments, torturé par les pensées, est-ce normal ? Un corps sain, un esprit sain vivent sans que leurs propriétaires les remarquent ou à peine. Occasionnellement, à cause de douleurs ou de souffrances, ils demandent de l'attention et de la lucidité. Pourquoi ne pas agir ainsi pour la totalité de votre vie individuelle ? On peut vivre convenablement, en réagissant bien et complètement à tout ce qui peut arriver, sans avoir à l'amener au centre de la conscience. Quand le contrôle de soi devient une seconde nature, la pure conscience se concentre sur des plans plus profonds d'existence et d'action. Question. Ne devenez-vous pas un robot ? Maharaj. Quel mal y a-t-il à automatiser ce qui est habituel et répétitif ? C'est de toute façon automatique. Mais quand c'est en plus chaotique, c'est une cause de douleur et de souffrance qui réclame notre attention. L'unique dessein d'une vie propre et ordonnée, c'est de libérer l'homme de l'esclavage du chaos et du poids de la misère. Question. Vous paraissez être partisan d'une vie réglée par un ordinateur. Maharaj. Qu'y a-t-il de mauvais dans une vie libre de problèmes ? La personnalité n'est qu'un reflet du réel. Pourquoi le reflet ne serait-il pas fidèle à l'original naturellement, automatiquement ? L'individu a-t-il besoin d'avoir des desseins qui lui soient propres ? La vie dont il est une expression le guidera. Une fois que vous avez réalisé que l'individu n'est qu'un reflet de la réalité, mais pas la réalité, vous cessez de vous agiter et de vous tracasser. Vous acceptez d'être guidé de l'intérieur et la vie devient un voyage dans l'inconnu. 13. Question. Il semblerait, d'après ce que vous nous dites, que vous ne soyez pas totalement conscient de votre environnement. Vous paraissez à nos yeux extrêmement alerte et actif. Il ne nous est pas possible de croire que vous êtes dans une sorte d'état hypnotique qui ne laisserait aucun souvenir. Votre mémoire semble au contraire excellente. Que devons-nous comprendre quand vous affirmez qu'en ce qui vous concerne, le monde et tout ce qu'il contient n'existent pas ? Maharaj. Ce n'est qu'une question de focalisation. Votre mental est centré sur le monde, le mien sur la réalité. C'est comme la lune qui, en plein jour, quand le soleil brille, est à peine visible. Ou bien, examinez votre façon de prendre la nourriture. Tant qu'elle est dans votre bouche, vous en êtes conscient. Mais une fois avalée, elle ne vous intéresse plus. Ce serait parfaitement incommode de l'avoir constamment présente à l'esprit jusqu'à son élimination. Le mental devrait être habituellement vacant. L'activité incessante est un état morbide. L'univers marche de lui-même, ça je le sais. Qu'ai-je besoin de savoir encore ? Question. Ainsi donc, un ami ne sait ce qu'il fait que quand il fixe son mental sur ce qu'il fait ? Sinon, il ne fait qu'agir sans être concerné ? Maharaj. L'homme ordinaire n'est pas conscient de son corps en tant que tel. Il est conscient de ses sensations, de ses sentiments et de ses pensées. Avec le détachement, même ceux-ci s'éloignent du centre de la conscience et se manifestent spontanément et sans effort. Question. Quel est le centre de la conscience? Maharaj. Ce à quoi on ne peut donner ni nom ni forme parce que c'est sans qualité et au-delà de la conscience. Vous pouvez l'envisager comme un point de conscience qui serait au-delà de la conscience. Comme un trou dans une feuille de papier qui est à la fois dans le papier, mais pas en papier. L'état suprême est au centre même de la conscience et cependant au-delà de la conscience. C'est comme une ouverture dans le mental par lequel celui-ci est inondé de lumière. Cependant, cette ouverture n'est pas la lumière, ce n'est qu'une ouverture. Question. Un trou n'est que vide, absence. Maharaj. Naturellement. Du point de vue du mental, ce n'est qu'une ouverture permettant à la lumière de la pure conscience de pénétrer l'espace mental. La lumière, en tant que telle, ne peut être comparée qu'à une masse de pure conscience. Pure, solide, dense, cristalline, homogène et sans changement, libérée des catégories mentales du nom et de la forme. Question. Y a-t-il un lien entre le champ mental et la suprême demeure? Maharaj. Le suprême donne l'existence au mental. Le mental donne l'existence au corps. Question. Et qu'y a-t-il au-delà? Maharaj. Prenons un exemple. Un véritable yogi, un maître dans l'art de la longévité et qui a dépassé les 1000 ans, vient pour m'enseigner son art. Je respecte profondément et admire sincèrement sa réussite, cependant, tout ce que je peux lui dire, c'est ceci. De quelle utilité m'est la longévité puisque je suis au-delà du temps? Aussi longue que puisse être une vie, ce n'est qu'un instant et un rêve. Je suis pareillement au-delà de tout attribut. Ils apparaissent dans ma lumière, puis disparaissent, mais ils ne peuvent pas me décrire. L'univers n'est que forme et non fondée sur des qualités et sur leurs différences alors que je suis au-delà. Le monde est là parce que je suis, mais je ne suis pas le monde. Question. Mais vous vivez dans le monde. Maharaj. C'est vous qui le dites. Je sais qu'il y a un monde dont font partie ce corps et ce mental, mais je ne les considère pas plus miens que les autres corps et les autres mentales. Ils sont là, dans le temps et dans l'espace, mais je suis sans temps et sans espace. Question. Mais si tout existe par votre lumière, n'êtes-vous pas le créateur du monde? Maharaj. Je ne suis ni la potentialité, ni l'actualisation, ni la réalité des choses. Dans ma lumière, elles vont et viennent comme les grains de poussière dansant dans un rayon de soleil. La lumière éclaire ces grains, mais elle ne dépend pas d'eux. Pas plus qu'on ne peut dire qu'elle les crée. On ne peut pas dire non plus qu'elle les connaît. Question. Je vous pose une question, vous me répondez. Êtes-vous conscient de la question et de la réponse? Maharaj. En réalité, je n'entends pas ni ne réponds. Dans le monde des événements, la question arrive et la réponse arrive. Rien ne m'arrive. Tout ne fait qu'arriver. Question. Êtes-vous le témoin? Maharaj. Que veut dire témoin? Simple connaissance. Il a plu et maintenant la pluie a cessé. Je n'ai pas été mouillé. Je sais qu'il a plu, mais je n'en suis pas affecté. J'ai été simplement témoin de la pluie. Question. L'homme totalement réalisé demeurant spontanément dans l'état suprême semble manger, boire, etc. En est-il conscient ou non? Maharaj. On appelle éther de la conscience ce en quoi se produit la conscience universelle ou le mental. Tous les objets de la conscience constituent l'univers. Ce qui transcende les deux, qui supporte les deux, c'est l'état suprême, un état de tranquillité et de silence absolu. Tout homme qui y parvient disparaît. On ne peut pas l'atteindre avec les mots ou le mental. Vous pouvez l'appeler Dieu ou Parabrahman, mais ce ne sont que des mots donnés par le mental. C'est l'état sans nom, sans contenu, sans effort spontané qui est au-delà de l'être et du non-être. Question. Mais restons conscients? Maharaj. De même que l'univers est le corps du mental, la conscience est le corps du suprême. Il n'est pas conscient, mais il engendre la conscience. Question. La plupart des actes quotidiens sont habituels, automatiques. Je suis conscient du dessin général, mais pas de chaque mouvement dans le détail. Au fur et à mesure que ma conscience élargit et s'approfondit, Les détails tendent à s'estomper, me permettant ainsi de voir les grandes tendances. N'est-ce pas dans une plus large mesure ce qui arrive au Gdani ? Maharaj. Au plan de la conscience, oui. Dans l'état suprême, non. Cet état est un et indivisible, un bloc unique et solide de réalité. La seule façon de le connaître, c'est de l'être. Le mental ne peut pas l'atteindre. Les sens ne sont pas nécessaires pour le percevoir. Vous n'avez pas besoin du mental pour le connaître. Question. Est-ce comme cela que Dieu régit le monde ? Maharaj. Dieu ne régit pas le monde. Question. Qui le fait ? Maharaj. Personne. Tout se produit de lui-même. En posant la question, vous y répondez. Et vous connaissez la réponse au moment où vous posez la question. Tout n'est qu'un jeu dans la conscience. Toutes les divisions sont illusoires. Vous ne pouvez connaître que le faux, le vrai, vous devez l'être. Question. Il y a la conscience spectacle et la conscience spectateur. La deuxième est-elle le suprême ? Maharaj. Il y a les deux, l'individu et le témoin. Quand vous voyez les deux comme un, quand vous transcendez les deux, vous êtes dans l'état suprême. Il n'est pas perceptible parce qu'il est ce qui rend la perception possible. Il transcende l'être et le non-être. Il n'est ni le miroir ni l'image dans le miroir. Il est ce qui est. La réalité hors du temps incroyablement dure et solide. Question. Le Gnani est-il le témoin ou le suprême ? Maharaj. Bien sûr, il est le suprême, mais on peut également le considérer comme le témoin universel. Question. Mais reste-t-il un individu ? Maharaj. Quand on considère qu'on est un individu, on voit des individus partout. En réalité, il n'y a pas d'individu, seulement des réseaux de souvenirs et d'habitudes. L'individu disparaît avec la réalisation. L'identité demeure, mais l'identité n'est pas l'individu. Elle est inhérente à la réalité. L'individu n'a pas d'être en soi. C'est un reflet dans le mental du témoin. Le « je suis » qui est encore un mode de l'être. Question. Le suprême est-il conscient ? Maharaj, il n'est ni conscient ni inconscient. Je vous parle d'expérience. Question. Pragnanyam Brahma, quel est ce pragna ? Maharaj, c'est la pure connaissance de la vie. Question. Est-ce la vitalité, l'énergie de vie, le principe de vie ? Maharaj, l'énergie vient la première. Toute chose est une forme d'énergie. C'est dans les états de veille que la conscience est la plus différenciée. Elle est moins dans les rêves et moins encore dans le sommeil. Elle est homogène dans le quatrième état. Au-delà se trouve l'inexprimable et monolithique réalité, la demeure du Gnani. Question. Je me suis coupé la main, elle est guérie. Quel pouvoir la guérit ? Maharaj. Le pouvoir de la vie. Question. Quel est ce pouvoir ? Maharaj, c'est la conscience. Tout est conscience. Question. Quelle est la source de la conscience ? Maharaj, la conscience même est la source de tout. Question. Peut-il y avoir vie sans conscience ? Maharaj, non, pas plus qu'il ne peut y avoir conscience sans vie. Elles ne sont qu'une. Mais en réalité, seul l'ultime est. Le reste n'est que matière de nom et de forme. Tant que vous vous attacherez à l'opinion que seul ce qui a un nom et une forme existe, le suprême vous apparaîtra comme non-existant. Quand vous comprendrez que les noms et les formes ne sont que des coquilles vides, sans aucun contenu, et que ce qui est réel est sans nom ni forme, pure énergie de vie, lumière de conscience, vous serez en paix, immergé dans le profond silence de la réalité. Question. Si le temps et l'espace ne sont que pure illusion et que vous les transcendez, dites-moi, s'il vous plaît, quel temps fait-il à New York ? Y fait-il chaud ? Pleut-il ? Maharaj. Comment vous le dire ? De telles choses nécessitent un entraînement spécial, ou plus simplement d'aller à New York. Je peux avoir l'assurance de transcender le temps et l'espace et être cependant incapable de me rendre à la volonté en un point quelconque du temps ou de l'espace. Ça ne m'intéresse pas suffisamment. Je ne vois aucune utilité à suivre une discipline yogique particulière. Je n'ai fait qu'entendre parler de New York. Pour moi, ce n'est qu'un mot. Pourquoi devrais-je en connaître plus que le mot ne communique ? Chaque atome peut être un univers aussi complexe que le nôtre. Dois-je les connaître tous ? Je le peux, si je m'entraîne. Question. Oui, je fais l'erreur en posant ma question sur le ton à New York. Maharaj. Le monde et le mental sont des états d'existence. Le suprême n'est pas un état. Il pénètre tous les états. Mais ce n'est pas un autre état. Il est totalement non conditionné, indépendant, complet par lui-même, au-delà de l'espace et du temps, du mental et de la matière. Question. À quel signe le reconnaissez-vous ? Maharaj. Là est la question. Il ne laisse pas de traces. Il n'y a rien à quoi on puisse le reconnaître. Il doit être vu directement, renonçant à chercher des signes ou des voies d'accès. Quand vous avez renoncé à tous les noms, à toutes les formes, le réel est avec vous. Vous n'avez pas besoin de chercher. La pluralité et la diversité sont des jeux du seul mental. La réalité est une. Question. Si la réalité ne laisse pas de traces, on ne peut pas en parler. Maharaj. Elle est. On ne peut pas la nier. C'est un mystère profond et obscur par-delà le mystère. Mais elle est. Alors que tout le reste arrive. Question. Est-ce l'inconnu ? Maharaj. Elle transcende les deux, le connu et l'inconnu. Mais je l'appellerai plutôt le connu que l'inconnu, car dès que quelque chose est connu, c'est le réel qui est connu. Question. Le silence est-il un attribut du réel ? Maharaj. Cela aussi appartient au mental. Tous les états et toutes les conditions appartiennent au mental. Question. Quelle est la place de Samadhi ? Maharaj. Ne pas faire usage de sa conscience, c'est Samadhi. Il suffit de laisser le mental seul. Vous ne désirez rien, ni de votre corps, ni de votre mental. XIV. Question. Vous dites constamment que les événements sont non causés, une chose arrive et aucune cause ne peut lui être attribuée. Chaque chose a certainement une ou plusieurs causes. Comment puis-je comprendre le non-conditionnement des choses ? Maharaj. Du point de vue le plus élevé, le monde est non conditionné. Question. Mais quelle est votre expérience personnelle ? Maharaj. Tout est non conditionné. Le monde n'a pas de cause. Question. Je ne me pose pas de questions au sujet des causes qui conduisirent à la création du monde. Qui a vu la création du monde ? Il peut même ne pas avoir eu de commencement, être existant de toute éternité. Mais je ne parle pas du monde, je considère le monde comme existant en quelque sorte. Il contient tant de choses. Chacune, certainement, doit avoir une ou plusieurs causes. Maharaj, dès l'instant où vous créez un monde dans le temps et l'espace régi par la causalité, vous êtes contraint de chercher des causes et de les trouver. Vous posez une question et vous en imposez la réponse. Question. Ma question est très simple. Je vois toutes sortes de choses et j'entends que cela implique que chacune d'entre elles doit avoir une ou plusieurs causes. Vous dites que de votre point de vue, elles sont non causées. Mais pour vous, rien n'a d'existence. La question de causalité ne se pose donc pas. Vous semblez cependant admettre l'existence des choses tout en leur déniant tout déterminisme. C'est ce que je n'arrive pas à saisir. Quand vous acceptez l'existence des choses, pourquoi rejeter leur cause ? Maharaj, je ne vois que la conscience, et je sais que tout n'est que conscience, comme vous savez que le film sur l'écran n'est que lumière. Question. Les mouvements de la lumière ont bien une cause ? Maharaj, la lumière ne bouge pas. Vous savez bien que le mouvement est illusoire, une suite d'interceptions et d'éclairements du film. Ce qui bouge, c'est le film qui est le mental. Question. Mais ceci ne rend pas le film sans cause. Le film est là, les acteurs, les techniciens, le metteur en scène, le producteur, les différents fabricants sont là. Le monde est régi par la causalité. Toutes les choses sont liées. Maharaj. Naturellement, les choses sont liées. Chaque chose a donc des causes innombrables. L'univers entier contribue à la moindre des choses. Une chose est ce qu'elle est parce que l'univers est ce qu'il est. Voyez-vous ? Vous vous occupez de bijoux, moi d'or. Entre deux bijoux, il n'y a pas de relation causale. Si vous faites fondre un bijou pour en faire un autre, il n'y a pas de relation causale entre les deux. Le facteur commun, C'est l'or. Mais vous ne pouvez pas dire que l'or est la cause. On ne peut pas l'appeler une cause, car en lui-même, il ne cause rien. Il est réfléchi dans le mental comme je suis, comme la forme et le nom particulier du bijou. Cependant, tout n'est que de l'or. De la même façon, la réalité rend chaque chose possible, et cependant, rien de ce qui fait qu'une chose est ce qu'elle est, son nom, sa forme ne vient de la réalité. Mais pourquoi se soucier autant de la causalité? Quelle importance ont les causes quand les choses sont transitoires? Laissez venir ce qui vient et aller ce qui va. Pourquoi saisir les choses et en rechercher leurs causes? Question. D'un point de vue relatif, toute chose doit avoir une cause. Maharaj. De quelle utilité peut vous être le point de vue relatif? Vous pouvez voir les choses dans l'absolu. Pourquoi régresser au relatif? Avez-vous peur de l'absolu? Question. J'ai peur. J'ai peur de m'endormir sur mes prétendues certitudes absolues. L'absolu n'aide pas à mener une vie décente. Quand vous avez besoin d'une chemise, vous l'achetez. D'un vêtement, vous allez chez le tailleur, etc. Maharaj. Tout ce discours fait preuve d'ignorance. Question. Et quelle est l'opinion du sage? Maharaj. Il n'y a que la lumière et la lumière est tout. Tout le reste n'est qu'image faite de lumière. La lumière est dans l'image et l'image est dans la lumière. Vie et mort, soi et non soi, abandonnez toutes ces idées. Elles ne vous sont d'aucune utilité. Question. De quel point de vue niez-vous la causalité? Du point de vue relatif, l'univers est la cause de toute chose. Du point de vue absolu, il n'y a aucune chose. Maharaj. Dans quel état posez-vous la question? Question. Dans l'état de vie quotidien, le seul dans lequel toutes ces discussions ont lieu. Maharaj. Tous ces problèmes se manifestent dans cet état, parce que telle est sa nature. Mais vous n'êtes pas toujours dans cet état. Que pouvez-vous réaliser de bon dans un état où vous tombez et d'où vous émergez indépendamment de votre volonté? En quoi cela peut-il vous aider de savoir qu'il y a une relation cause-effet dans les choses, ainsi qu'il vous semble dans votre état de rêve? Question. Le monde et l'état de veille naissent et existent conjointement. Maharaj. Quand le mental est calme, absolument silencieux, l'état de veille n'existe plus. Question. Des mots comme Dieu, l'univers, la totalité, l'absolu, le suprême ne sont que du bruit dans l'air, puisqu'on ne peut pas agir sur eux. Maharaj. Vous posez là des questions dont vous seul avez la réponse. Question. Ne me repoussez pas ainsi. Vous parlez si volontiers au nom de la totalité de l'univers et d'autres choses tout aussi imaginaires. Elles ne peuvent venir vous interdire de parler en leur nom. Je hais ces généralisations irresponsables. Vous êtes enclin à les personnaliser. Sans causalité, il n'y aurait pas d'ordre et aucune action réfléchie ne serait possible. Maharaj. Voulez-vous connaître toutes les causes et tous les événements? Est-ce possible? Question. Je sais que c'est impossible. Tout ce que je veux savoir, c'est s'il y a des causes pour chaque chose et si on peut peser sur les causes et par là modifier l'événement. Maharaj. Pour agir sur les événements, vous n'avez pas besoin d'en connaître les causes. Quel moyen détourné de faire les choses? N'êtes-vous pas la source et l'achèvement de tout événement? Contrôlez-le à la source. Question. Tous les matins, je prends le journal et je lis avec consternation les misères du monde, pauvreté, haine, guerre qui continuent sans relâche. Le sujet de mes questions, c'est la misère, sa cause et ses remèdes. N'écartez pas la question en me disant que c'est du bouddhisme. Ne me donnez pas d'étiquette. Votre insistance sur la non-causalité enlève tout espoir de voir le monde jamais changer. Maharaj, vous êtes dans la confusion, parce que vous croyez être dans le monde et non que le monde est en vous. Qui vint le premier? Vous ou vos parents? Vous imaginez être né à un certain endroit, à une certaine heure, que vous avez un père et une mère, un corps et un nom. Voilà votre péché et votre fléau. Vous pourriez certainement changer le monde si vous y travailliez. Travaillez donc. Qu'est-ce qui vous en empêche? Je ne vous ai jamais découragé. Cause ou pas cause, vous avez fait ce monde. Vous pouvez le changer. Question. Un monde non causé est entièrement hors de mon contrôle. Maharaj. Au contraire, vous avez tout pouvoir de changer un monde dont vous seul êtes la source et la base. Ce qui fut créé peut toujours être détruit et recréé. Tout se passera comme vous le désirez, pourvu que vous le vouliez vraiment. Question. Tout ce que je veux savoir, c'est comment traiter des misères du monde. Maharaj, vous les avez créés avec vos désirs et vos peurs, vous en êtes chargé. Tout est dû à ce que vous avez oublié votre propre être. Après avoir prêté la réalité au film sur l'écran, vous aimez ces gens, vous souffrez pour eux et vous cherchez à les sauver. Cela est faux. Vous devez commencer par vous-même. Il n'y a pas d'autre voie. Bien entendu, travaillez. Cela ne fait pas de mal de travailler. Question. Votre univers semble contenir toutes les expériences possibles. L'individu trace sa voie au travers et expérimente des états plaisants et déplaisants. Ceci donne lieu à l'interrogation et à la recherche, ce qui élargit la vision et permet à l'individu de transcender son monde étroit et créé par lui-même, limité et égocentré. Ce monde personnel peut être changé avec du temps. L'univers est hors du temps et parfait. Maharaj. Prendre l'apparence pour la réalité, c'est un péché mortel et la cause de toutes les calamités. Vous êtes pure conscience et conscience qui se répand dans tout, éternelle et infiniment créatrice. Tout le reste appartient au temps et à l'espace. N'oubliez pas ce que vous êtes. En attendant, travaillez de tout votre cœur. Le travail et la connaissance devraient aller la main dans la main. Question. Mon sentiment, c'est que mon développement spirituel n'est pas entre mes mains. Ça ne conduit nulle part de bâtir des plans et de les réaliser. Je tourne tout simplement en rond. Quand Dieu considérera que les fruits sont mûrs, il les cueillera et les mangera. Tous les fruits qui lui paraîtront verts resteront un jour de plus sur l'arbre du monde. Maharaj. Vous pensez que Dieu vous connaît ? Il ne connaît même pas le monde. Question. Le vôtre est un Dieu différent. Le mien est bon, il souffre avec nous. Maharaj. Vous priez pour sauver un homme alors que des milliers meurent. Et si tous cessaient de mourir, il n'y aurait plus de place sur la terre. Question. Je n'ai pas peur de la mort. Mon souci, c'est la misère et la souffrance. Mon Dieu est un Dieu simple, plutôt impuissant. Il n'a pas le pouvoir de nous contraindre à la sagesse. Il ne peut qu'être là et attendre. Maharaj, si vous êtes tous les deux, vous et votre Dieu impuissant, cela n'implique-t-il pas que le monde est accidentel? Et s'il l'est, votre seule ressource est d'aller au-delà de lui.